circles, confusion is nothing new. Flashback, warm nights, almost left behind. Bienvenue à toutes et à tous dans un espace hors du temps. Quelques minutes pour se débarrasser de toute pensée. Bienvenue dans Minute Bonheur. Quelques minutes pour ne penser qu'à son bien-être. Car on le sait, maintenant, être heureux, ressentir là, au fond, cette sensation enivrante du bien-être, comme un matin d'été où l'on respire l'air tempéré à plein poumon, le moment où le soleil juste levé frôle notre peau, est contagieux. Être bien, se sentir heureux, à sa place, c'est apporter de la lumière aux autres, mais de façon complètement naturelle. Il est temps, aujourd'hui, comme j'aime souvent le dire, de prendre le temps, de prendre le temps. Dans un monde où tout file à 100 à l'heure, où l'on se sent souvent accablé par ses responsabilités et où on arrive petit à petit à se sentir submergé, surmené, où l'on frôle parfois le burn-out, nous devenons secondaires face à nos obligations. Et pourtant, nous sommes tout simplement primordiales. Nous sommes le tout de notre vie. Mais nous l'oublions. Nous sommes le créateur de notre vie. Mais nous l'oublions. Face à toutes ces choses qui nous semblent si importantes, et parfois, quand nous allons trop loin dans l'oubli de soi-même, l'univers, la vie, vient tirer son signal d'alerte. Il est temps de baisser les armes et d'enfin se consacrer à soi-même. Et c'est parfois au moment où le surmenage est trop présent que le psychique ou le physique ne nous porte plus. Pour beaucoup d'entre nous, c'est seulement à ce moment-là que l'on commence à réfléchir, à faire le point, à se rendre compte que l'on charge notre existence, que notre ordre de priorité n'est peut-être pas la bonne. Première priorité, soi-même et son bien-être personnel. Encore une fois, pas question d'égoïsme, car c'est tout simplement en étant bien avec son soi que l'on sera bien avec les autres et la vie. Parfois, nous sommes allés trop loin et une situation difficile vient à nous pour nous rappeler ses priorités, pour nous rappeler de prendre soin de son soi. À ce moment de difficulté, deux options, deux chemins, peut-être indissociables pour certains, s'offrent à nous. Le combat ou l'acceptation. C'est de l'acceptation dont on va parler aujourd'hui. Quand on accepte une situation, on sera plus à même de trouver la manière de mieux la vivre en trouvant des solutions naturellement et sans contrainte. Accepter, ce n'est pas se résigner à dire que c'est le destin et que l'on n'y peut rien. Accepter, c'est tout autre chose. C'est être en paix avec soi-même, parce qu'on avance en pleine conscience, en sachant qu'il y a des choses qu'on ne changera pas, mais on se positionne de manière à ne pas souffrir et continuer son chemin. Parfois, il faut aussi baisser les armes, abandonner sa résistance pour mieux apprendre et connaître enfin ce bien-être qui permet de se sentir heureux. Laisser passer une phase difficile sans s'obstiner à ressasser que cette situation nous fait perdre ou nous empêche de faire. Accepter que cette situation peut s'avérer être une chose bénéfique, car elle nous permettra de comprendre cette priorité numéro 1 du soi-même. Et enfin, prendre du temps pour soi. Par obligation en premier lieu, mais par choix en seconde étape. Et une fois cette phase passée, peut-être que cette priorité restera gravée. Prendre le temps de prendre le temps pour soi, pour mieux le partager avec les autres, avec le monde. Accepter ne veut pas dire se résigner, mais bien voir et accueillir ce qui est là pour nous, maintenant, notre réalité. J'ai eu envie de vous faire partager ce poème sur le bonheur de Mère Teresa que j'ai découvert lors de cette écriture. Le bonheur, c'est tout petit, si petit que parfois on ne le voit pas. Alors on le cherche partout. Il est là, dans l'arbre qui chante dans le vent, dans le regard de l'enfant. Le pain que l'on rompt et que l'on partage, la main que l'on tend. Le bonheur, c'est tout petit, si petit parfois qu'on ne le voit pas. Il ne se cache pas, c'est là son secret. Il est là tout près de nous et parfois en nous. Le bonheur, c'est tout petit, petit comme nos yeux pleins de lumière. Et comme nos cœurs pleins d'amour. Voilà pour ce poème. Et si l'on se créait notre but hors du temps? Et si l'on inscrivait quotidiennement dans son agenda une chose que l'on a réalisée dans la journée et dont on est particulièrement fier? Et si on réalisait au moins une fois par jour une activité qui nous procure du plaisir et qui nous fait du bien? Et si l'on prenait quelques minutes pour fermer les yeux, se poser et faire le vide? À vous, qu'allez-vous faire qui vous fasse du bien aujourd'hui? Je finirai par cette citation de Jules Lemaître. L'homme heureux est celui qui, acceptant d'être malheureux, ne l'est plus. Merci à vous qui avez partagé cette bulle hors du temps avec moi et pour vous-même dans ces minutes bonheur. À bientôt. If you're lost, you can look and you will find me, time after time. If you fall, I will catch you, I will be waiting, time after time. If you're lost, you can look and you will find me, time after time. If you fall, I will catch you, I will be waiting, time after time. to time.